Bonjour et bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je vous propose de réécouter cette semaine une série d'émissions sur les philosophies d'Iran diffusées en décembre 2017. Les philosophes se trompent. L'absolu n'est pas dans la connaissance, mais dans l'élévation du sentiment amoureux. Car oui, l'amour dont il va être question aujourd'hui, n'est pas une simple attirance pour l'autre, mais l'élévation des sens à un état supérieur. Oubli de soi en l'autre, expérience mystique absolue que nous allons reproduire pour vous en studio aujourd'hui. Grâce à vous, Leïla Anvar, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Les auditeurs de France Culture vous connaissent, vous animiez jusqu'à l'an dernier les discussions du soir sur cette chaîne. Vous avez aussi écrit un ouvrage sur Rumi, le poète persan dont nous allons parler aujourd'hui. Lire ces poètes persans, est-ce une manière d'élever tous nos sens vers un ailleurs ? Oui, tous nos sens littéralement, puisque à la fois cette poésie nous donne à voir la beauté de l'aimer, elle nous donne à entendre sa voix, à ressentir ses caresses, et peut-être encore plus que tout, à sentir son parfum. Car les poètes persans se considèrent comme les parfumeurs de l'amour pour l'univers. Êtes-vous prête pour l'ascension ultime ? Toujours. Alors en route, sur les chemins de la philosophie, ou plutôt, comme on dit en persan... Berim rah biyoftim dar masir falsafe. Du néant est parti notre caravane porteuse d'amour. Le vin de l'union illumine éternellement notre nuit. De ce vin que n'interdit pas la religion d'amour, nos lèvres seront humectées jusqu'à l'aube du néant. یک بارگی در عاشقی پیچیده ام این بار من یک بارگی از عافیت ببریده ام این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام این بار من یک بارگی از عافیت ببریده ام Alors Leïla Anvar, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais nous sommes en train d'écouter un poème de Rumi, L'amour, mis en musique par Ali Reza Gorbani. C'est dire à quel point l'influence de Rumi est encore présente aujourd'hui dans la culture iranienne, hein, sans doute. Et nous avons entendu un quatrain de Rumi, interprété par Salah Stitier, où finalement tout y est, on y entend l'importance de la caravane porteuse d'amour, ce mouvement que nous allons essayer de suivre au cours de cette heure, et surtout l'importance du vin. Le vin de l'union qui illumine éternellement notre nuit. On peut partir de là, dans la poésie de Rumi dont nous allons parler aujourd'hui. La notion d'ivresse est très importante. Oui, alors on peut d'autant plus partir de là, et je me réjouis de ce choix que vous avez fait, parce que ce poème et ce quatrain est attribué à Rumi, mais en réalité, c'est parce qu'il est dans le corpus des quatrains de Rumi, je dirais par accident, parce que Rumi disait ce quatrain, qui en réalité n'est pas de lui, qui est de Ahmad al-Ghazali, qui le précède de 2 siècles, et qui lui-même a écrit donc un traité sur les fulgurances de l'amour, et qui donc commence son traité avec ce quatrain, c'est-à-dire le premier chapitre du traité sur les états de l'amour, donc par Ahmad al-Ghazali, commence par ce quatrain, qui ensuite va être repris par de nombreux mystiques, dont Rumi, et l'entourage de Rumi, ne connaissant probablement pas ce texte, a cru que le quatrain était de leur maître. Donc c'est particulièrement touchant que vous l'ayez choisi. Et du coup, ça nous permet aussi de voir que Rumi est héritier en fait d'une grande tradition qu'on appelle la tradition khorasanienne de l'amour, donc qui vient du Khorasan iranien. Quand je dis iranien, le Khorasan comprend aussi l'Afghanistan, le Tadjikistan et une partie de l'Ouzbékistan d'ailleurs. Mmh. Donc c'est vraiment la partie, c'est là qu'est née à la fois la poésie persane et la mystique qu'on appelle persane et qui est à proprement parler une mystique de l'amour et une mystique de l'ébriété, parce que je n'ai pas oublié votre question. En effet, le thème amoureux est lié dans la poésie profane au thème bachique. Et les mystiques vont reprendre les mêmes images, mais pour exprimer, bien sûr, symboliquement, autre chose, puisque le poème nous dit bien ce vin qui n'est pas interdit en notre religion. Ailleurs, Rumi dira « Je suis amoureux, je suis ivre du vin qui existait avant même que la vigne fût plantée. Donc quel est donc ce vin qui n'est pas fait de vigne et qui n'est pas interdit par la religion ? Eh bien, c'est l'ivresse de la... En fait, c'est la salive de l'aimé. Sachant que la salive de l'aimé, qui est considérée comme un vin encore plus enivrant que le vin issu de la vigne... C'est bien connu. Voilà, et symboliquement chez les mystiques, est l'initiation, ou en tout cas cette sensation de baiser qu'ils ont au moment de l'union mystique et qui crée en eux une extase qui s'assimile bien sûr à l'ivresse. En réalité, une extase pour laquelle ils n'ont pas d'autres mots que les mots de l'ivresse pour l'exprimer, pour la décrire. Et c'est pareil pour l'amour. Ils n'ont pas d'autres mots que les mots de l'amour charnel pour dire ce qu'ils vivent sur un plan mystique et sur le plan de l'âme. Pour bien comprendre ce dont on parle aujourd'hui, la poésie amoureuse persane, est-ce que ça renvoie à un courant particulier? Et si oui, quand commence-t-il et de quels auteurs se compose-t-il? Alors oui, bien sûr, la poésie persane, dans la langue que l'on appelle le persan aujourd'hui et qui est toujours utilisée par les Iraniens, elle naît à la fin du IXe siècle. Donc c'est une langue très ancienne et elle naît en même temps que la poésie. Et cette poésie, elle est inspirée à la fois par la tradition orale anté-islamique et par la poésie amoureuse arabe, elle-même aussi d'ailleurs anté-islamique. Et donc la conjonction de la poésie arabe écrite et de la poésie orale de l'ancienne Perse va donner ce qu'on appelle la tradition à proprement parler de la poésie persane. Et dès le début, le thème de l'amour, à travers la description du corps de l'aimé, qui est indissociable de la contemplation de la beauté, va exister. Et petit à petit, le thème va prendre une tournure de plus en plus spirituelle, mais garder ce dont vous parliez au début, c'est-à-dire son extrême sensualité. Et pourtant, vous parlez de mystique. Vous avez employé ce terme déjà à plusieurs reprises. Donc, d'un côté, on a la sensualité, un rapport à la chair très, très sensuel et très présent. Et de l'autre, qui dit mystique, dit quand même élévation vers un au-delà, voire transcendance. Oui, mais c'est peut-être ça le propre de cette mystique persane, c'est qu'elle ne dissocie pas les deux. C'est-à-dire que le corps a un rôle fondamental à jouer. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystique sans passage par une expérience charnelle. L'expérience charnelle ne veut pas dire nécessairement ce que nous entendons par charnel, dans le sens les plaisirs auxquels nous goûtons tout un chacun sans être forcément des mystiques. Mais ça passe par le fait que, en réalité, il n'y a pas d'expérience cognitive de la vérité sans que tous les sens soient mobilisés. Et c'est pourquoi les mystiques persans en tout cas, pas seulement, Ibn Arabi est un mystique de langue arabe et andalou et il parlera dans les mêmes termes, ils diront au fond la suprême unification vous fait sentir le goût de Dieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je n'ai pas encore fait l'expérience, mais voilà, d'autres vous diront, au fond, quand on est en état d'extase, le corps ressent le parfum de Dieu. C'est-à-dire, ils ressentent des parfums de rose, de jasmin, de musc, alors qu'il n'y a pas de musc, ni de rose, ni de jasmin. Mais le corps est mobilisé. Et je crois que ça, c'est très... Il faut jamais l'oublier. On a tendance à trop séparer le corps de l'âme, peut-être dans la droite ligne de la philosophie moderne, occidentale. Enfin, voilà, il ne faut pas penser en termes cartésiens, si je puis dire. Mais c'est vrai aussi des mystiques d'Occident. Si vous lisez Thérèse d'Avila... Et quand vous regardez la sculpture du Bernin, vous voyez bien que le corps est impliqué. Elle est impliquée corps et âme, et tout son être est impliqué. Et quand elle parle en poème, Thérèse, on pourrait croire que c'est du Rumi. Elle parle vraiment de l'implication de la chair dans cette expérience de l'union mystique. Est-ce à dire que ces philosophes, mais justement ces poètes dont nous allons parler en particulier, et surtout de Rumi, puisque vous lui avez consacré un ouvrage, La religion de l'amour, et vous avez traduit de nombreux poèmes de Rumi, est-ce que leur geste, l'incorporation d'une sensualité au sein de la mystique, est une manière d'aller contre la philosophie dont nous parlions hier avec Christian Jambet? On parlait aussi de mysticisme, mais quand même de cette importance de la métaphysique, du un qui unissait toute forme d'existence. Là, avec simplement ce que vous venez de dire, Léon Var, on entend qu'il y a comme une manière de se démarquer de cette philosophie. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler d'antiphilosophie? Oui, je crois qu'on peut aller jusqu'à parler d'antiphilosophie. Alors ça commence évidemment avec le grand Razali, le grand frère. Qui est ce grand Razali? Voilà, alors, enfin, le grand Razali, c'est Abu Hamed Razali qui a écrit justement toute une critique radicale de la philosophie après une crise spirituelle qu'il a eue. Et à ce moment-là, il s'est converti au soufisme d'une certaine façon. Et puis ce grand Razali, qui était au départ un philosophe et un théologien et qui est devenu un mystique. Au XIIe siècle, hein, n'est-ce pas? Oui, à la fin du XIe, début du XIIe siècle. Razali, le grand Razali, le frère aîné, est mort en 1111. Et donc celui dont je vous ai parlé au début, Ahmad Razali, il est mort en 1126. Donc ça vous donne un peu l'époque. Et on pense que donc le philosophe qui a renoncé à la philosophie définitivement, Razali, s'est converti à la mystique grâce, sous l'influence justement de son jeune frère, qui a écrit plusieurs traités sur la mystique amoureuse en langue persane. Et donc effectivement, ils vont, ces deux frères, véritablement montrer qu'il y a une métaphysique de l'amour qui s'oppose à la métaphysique philosophique des Grecs, surtout. Quand ils visent la philosophie, il s'agit essentiellement de la philosophie grecque, c'est-à-dire, disons pour faire court, Aristote et le règne de la raison. Puisque, effectivement, ils prônent l'idée que pour arriver à la vraie connaissance, il faut absolument détruire la raison, traverser l'obstacle de la raison, parce que la raison est un obstacle. Et la raison nous sépare à la fois de notre sensualité et de notre expérience de l'amour. Dans l'amour, il faut briser la raison. Et c'est la raison pour laquelle ils sont contre la philosophie qui serait en fait, qui pour eux signifie philosophie rationnelle. C'est ça, mais ils ne sont pas contre la connaissance. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'amour ne conduit pas à une sorte de mystique éthérée et poétique qui serait purement, disons, un exercice de style ou d'élévation de soi hors de toute forme de connaissance. Au contraire, c'est par l'amour que l'on connaît d'un certain type de connaissance qui n'est pas celui de la raison. Absolument. C'est-à-dire la visée, c'est quand même de connaître la vérité. Et la vérité, c'est Dieu ? La vérité, c'est... Ou pas forcément. Il ne prononce jamais le mot Dieu. La vérité, c'est l'un. Alors justement, là, on rejoint l'un. La vérité, c'est la lumière, c'est le réel. Parce qu'en persan, et en arabe d'ailleurs, c'est le même mot, haq ou haqiqat, c'est à la fois la vérité et le réel. Et donc, mais la raison, en fait, met un voile sur ce réel, met un voile sur la vérité. C'est-à-dire, vraiment, ils sont dans une antiphilosophie en ce sens-là. Ils ne sont pas dans l'antiphilosophie si on pense à la racine du mot philosophie qui veut dire l'amour de la sagesse. Pour eux, la suprême sagesse, c'est de devenir totalement fou et fou d'amour. Mais la visée dernière, c'est quand même la sagesse et la contemplation du vrai. Ils inversent l'opposition que nous avons en Occident depuis des siècles, d'ailleurs, entre la raison et le cœur, ou la raison et l'imagination. Je pense notamment à Blaise Pascal qui, dans ses pensées, fait de l'imagination cette faculté source d'erreurs, de fausseté, qui sans cesse nous trompe quand la raison serait notre guide, même si chez Pascal la raison est secondaire par rapport au registre divin. Mais nous avons chez ces poètes, dont on va entendre des textes dans un instant, l'idée selon laquelle la raison n'est pas le guide. Au contraire, c'est pas le guide des égarés, c'est celle qui nous égare. Elle est rusée, elle est manipulatrice. Il faut se protéger contre les effets de la raison, et pour cela, non seulement l'imagination, mais surtout l'amour et les sens vont nous y aider. Oui, vous avez tout à fait raison. J'avais jamais pensé à faire le parallèle asymétrique, si je puis dire, enfin en renversé. En réalité, souvent, d'ailleurs, Rumi dira que la raison est une magicienne en illusion. Elle crée l'illusion de la connaissance. Et donc, cette illusion crée une sorte de voile sur le réel, alors que l'expérience de l'amour permet de lever ces voiles, parce que précisément on ne vient pas poser une construction limitée par nos capacités rationnelles sur une réalité qui par définition est infinie. On va prendre quelques exemples, on est là aussi pour écouter des textes, hein, quand même, des textes que vous avez traduits, en plus là il y en a. Alors cette fois-ci, il ne s'agit ni de Rumi ni de Razali, mais d'Attar. Dites-nous quelques mots d'Attar pour qu'on sache ce qu'on va écouter. On va écouter un extrait du Cantique des oiseaux. Oui, Attar est un auteur de la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, fortement influencé par justement ce fameux texte des Fulgurances de l'amour, et qui va raconter donc dans le Cantique des oiseaux le voyage des oiseaux vers la beauté absolue dont ils vont tomber totalement amoureux, et qui est donc la Simurgh. Et dans ce voyage, ils vont être guidés par la Huppe, qui va leur donner des leçons, et entre autres, qui va leur dire, et je crois que c'est ce passage-là que vous avez choisi, qui va leur dire pourquoi la philosophie est un écueil majeur pour accéder à la vérité. Alors écoutez ce texte de Farid Eddine Attar, avec, avant d'entendre la version française, une version interprétée en persan par Sina Baydeyi. در میان عاشقان مرغان درند که از قفس پیش از اجل برمی پرند جمله را شرح و بیانی دیگر است زانک مرغان را زفانی دیگر است پیش سیمرغان کسی اکسیر ساخت کوزفان این همه مرغان شناخت. Parmi tous les amants, il y a des oiseaux qui, bien avant la mort, s'envolent hors de la cage. Ils ont un autre chant et un autre langage. La langue des oiseaux est une langue à part, car auprès de Simorgue, la secrète alchimie revient à qui connaît la langue des oiseaux. La philosophie grecque ne pourra te donner le secret du bonheur des hommes épris de Dieu tant que tu n'auras pas quitté cette science. Comment atteindras-tu la science du vrai? Celui qui s'y réfère dans la voie de l'amour ne sait rien de l'amour au recueil de la foi. Je préfère le blas qui blesse dans blasphème plutôt que dans ce mot le feu de philosophe. Car si de l'impiété le voile vient à tomber, il te sera toujours possible de le quitter. Mais la philosophie en « pourquoi » et « comment » coupe la voix aux gens, surtout aux plus conscients. Si cette science pouvait éclairer les cœurs, mon œuvre tout entière n'est que pure folie, et de ce que je dis la raison est exclue. Pour que de l'exclusion l'âme se purifie, il lui faut respirer l'air de cette folie étrange. Étrange, en effet, Leïli Anvar. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de poésie amoureuse persane aujourd'hui. On vient d'entendre ce poème d'Attar, donc le Cantique des oiseaux. On comprend bien l'opposition à la philosophie qui est faite, elle est argumentée, mais pourquoi avoir choisi des oiseaux pour exprimer cette opposition à la philosophie? Ah, en fait, c'est parce que les oiseaux sont dans toute l'œuvre la métaphore de l'âme humaine. Comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres œuvres, je crois que Attar n'a rien inventé. Et le fait de choisir l'oiseau, bien sûr, dit que l'âme est destinée à s'envoler et à quitter la cage. Mais on voit bien du coup, dans cette image d'ailleurs de la cage qui est réutilisée chez Attar, quand il parle de la mort, il dit l'oiseau au fond finalement s'échappe de la cage une fois que la mort advient. Ça prouve que justement, la vie dans ce monde est considérée comme une cage, que le corps, en réalité, le corps en tant qu'il pense est considéré comme une cage, et non pas le corps en tant qu'il participe à cet effort imaginal pour aller vers la vérité. Imaginal. Alors, je fais exprès de dire imaginal, c'est l'expression est de Corbin. Henri Corbin, oui. Oui, d'Henri Corbin, qui vraiment a très très bien indiqué comment dans cette pensée iranienne on distingue l'imaginal de l'imaginaire. L'imaginal, c'est pas une production d'images qui sont fausses. C'est un accès à des images qui existent, à des images archétypales. Ça nous rappelle quelque chose de plus occidental que vous connaissez bien ici, dans cette émission. Et donc, il y a vraiment cette idée qu'il existe des idées et des images qui sont à l'origine de tout ce qui est dans ce monde. Et que finalement, les formes de la beauté du monde, si elles nous rendent amoureux, c'est parce que précisément on y retrouve quelque chose de leur réalité imaginale. Et la poésie n'a pas d'autre fonction que d'ouvrir en fait ce processus visionnaire qui permet à celui qui la reçoit, évidemment d'abord à celui qui la produit, mais surtout à celui qui la reçoit, parce qu'elle a une fonction fondamentale dans ce processus de connaissance qui est lié à l'amour. Donc, à celui qui la poésie permet à celui ou celle qui la reçoit d'avoir accès à un monde d'images, à une sorte de banque de données imaginales qui sont en réalité les formes de la vérité. Mais ça, c'est très proche de ce que dit Platon. Mais totalement. Avec l'existence des formes qui préexistent le sensible et qui sont le lieu de la vérité. Bien sûr. Mais je vais vous dire une chose. En fait, le Platon des archétypes, le Platon du banquet, n'est pas du tout considéré par nos penseurs comme un philosophe. Il est considéré comme un amant. Un amant. Un amant. Bah, ça lui plairait beaucoup. En tout cas, Socrate serait ravi d'être considéré comme un amant par les poètes amoureux. Mm. Dans le poème qu'on a entendu, il y a ces deux vers sublimes que vous avez donc traduits. Je préfère le blas qui blesse dans le blasphème, dans blasphème, plutôt que dans ce mot, le feu des philosophes. Oui. C'est-à-dire, c'est un jeu de mots que j'ai eu beaucoup de mal à traduire. Attar fait tout le temps des jeux de mots. Jeux de mots qui sont très, très importants parce qu'il considère justement que le verbe poétique, que le jeu avec les mots, les homonymies, contiennent en eux quelque chose de la vérité des essences. C'est-à-dire le fait que dans blasphème, dans le mot blasphème, alors moi j'ai dû trouver quelque chose en français, heureusement, c'était possible de trouver, mais le fait que les mots jouent entre eux, et dans un jeu d'homonymie, montre qu'il y a une relation entre eux. Mmh. Et que donc, les mots sont une incarnation de... sont une incarnation du verbe. C'est vraiment du verbe qui se fait mot, pas cher. Et donc voilà, le jeu de mots chez Attar, c'était le mot « coffre », qui veut dire blasphème ou mécréance, etc. Je crois que c'est un mot aussi qui commence à être un peu connu en mal de nos jours. En tout cas, donc dans « coffre », il y a « que », le « que » du coffre, justement, du blasphème, et puis il y a le « feu », qui est le début du mot « philosophie », puisqu'en persan, on dit « falsafé », employant le mot grec d'ailleurs, en ayant importé le mot grec. Et donc voilà, il dit finalement, il vaut mieux être un mécréant, ouais, un incroyant, qu'être un philosophe. Pourquoi ? Parce que l'incroyant, au moins, il ne se donne pas la justification de la rationalité. Alors que le pourquoi et le comment, sur lequel il poursuit, auquel prétendent répondre les philosophes, c'est un carcan qu'il est beaucoup plus difficile de briser que l'ignorance de la mécréance. Donc, il vaut mieux être ignorant que faussement savant. En gros, c'est ça qu'il veut dire. Et même, ça va plus loin, puisqu'il est dit ensuite que la philosophie en pourquoi et comment coupe la voie aux gens, surtout aux plus conscients, si cette science pouvait éclairer les cœurs, etc. Ça veut dire que, pire encore que l'incroyance, c'est le doute. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas interroger, il ne faut pas mettre en question. Au contraire, je crois que ce que dit le texte, c'est que les philosophes ne doutent pas. C'est bien ça qu'il veut dire. Il veut dire que la philosophie, quand elle dit pourquoi et comment, coupe la voie aux gens. Comme s'il ne fallait pas dire pourquoi, qu'il ne fallait pas demander comment. Ah oui, non. Alors, c'est comme ça que je l'ai lu. Alors du coup, c'est peut-être moi qui ai mal traduit. Ah non. C'est parce que, en fait, parce que la philosophie prétend répondre au pourquoi et au comment d'une manière définitive. C'est-à-dire, l'idée, c'est que le philosophe est très sûr de la puissance de sa raison. Alors que il n'y a qu'une seule chose dont on doit vraiment douter, c'est la puissance de sa propre raison. Mmh. Et de croire qu'on peut répondre aux questions autrement que par la révélation intérieure. Ça, c'est vrai. Par contre, c'est vrai que la certitude est une certitude d'ordre qui est du côté de la révélation et qui est intérieure. Et les philosophes, eux, prétendent pouvoir répondre aux questions par leur pure rationalité, mais ils sont très sûrs que la rationalité peut répondre à tout. Qu'aurait dit Attar du scientisme, je n'ose même pas l'imaginer. La question se pose de savoir quel est le rapport de ces poètes amoureux persans à la religion quand même. Là, on a beaucoup exploré les rapports à la philosophie. Un terme revient souvent quand on essaie de qualifier leur rapport à la religion, c'est celui de soufisme, dont il est très difficile de proposer une définition. Voici une tentative par Henri Corbin, d'une définition du soufisme qui est assez surprenante parce qu'il montre que l'étymologie de soufisme est peut-être plus grecque qu'il n'y paraît. Absolument. Souf veut dire laine, soufi est un adjectif formé sur le mot soufne, tasavvouf, celui qui fait profession de soufisme et qui porte le vêtement distinctif des soufis. Mais j'avoue tout de même garder quelques réticences devant cette étymologie. Pour chaque mot étranger en arabe, il n'a jamais manqué d'un grammairien ingénieux pour lui trouver une étymologie sémitique. Ce qui me frappe, c'est qu'au Xe siècle, un homme comme Al-Biruni, un des plus éminents représentants de la science islamique, qui connaissait admirablement l'Inde, justement écrit dans son livre sur l'Inde expressément que le mot soufi n'est pas d'origine arabe, qu'il est un mot d'importation grecque et qu'il représente le grec sophos, que sophia, c'est la transposition, la translittération de sophia, la sagesse. Ça correspond à l'idée qu'on se faisait d'ailleurs en islam et dans le soufisme du sage grec, un sage grec comme Empédocle, un sage prophète, qui n'était pas autre chose qu'un soufi et d'avant l'islam. Mmh. Comment délibérer ? Moi, je ne sais qui je suis. Je ne suis ni chrétien, ni juif, ni zoroastrien, ni musulman, ni d'Orient, ni d'Occident, ni d'en bas, ni des éléments de la nature, ni des sphères qui tournent. Je ne suis ni hindou, ni chinois, ni bulgare, ni turc, ni d'Irak, ni du Khorasan. Mon signe est un non-signe, mon lieu, un non-lieu. Je ne suis ni corps, ni esprit. Mon âme est l'esprit des esprits. Lorsque je profère la dualité, je vois le monde un. Je vois un. Je chante un. Je sais un. Je lis un. Peut-on dire, Laïli Anvar, que ce poème de Rumi est une manière de, comment dire, mettre en œuvre ou d'introduire à ce qu'est le soufisme ? En tout cas, le soufisme tel que le conçoit Rumi, car comme vous l'avez dit, non seulement le soufisme est très difficile à définir étymologiquement, mais il est aussi très difficile de dire qu'une chose est le soufisme, puisqu'il y a, par exemple, une grande division entre le soufisme raisonnable, si je puis dire, et le soufisme, ou en tout cas un soufisme austère, et le soufisme précisément de l'ivresse. Et Rumi, ce qu'il dit, c'est vraiment dans la droite ligne de ce qu'on a appelé le soufisme de l'ivresse. Et Henri Corbin, que j'étais très touchée d'entendre, a tout à fait raison de parler de cette étymologie possible du soufisme, sur laquelle Youssef Sédik, d'ailleurs le grand, à la fois helléniste et spécialiste du Coran, est d'accord. Mais il y a aussi d'autres explications, enfin il y en a plusieurs, et je me demande si finalement toutes ces étymologies ne sont pas vraies, exactement comme Rumi vient de dire qu'il est ni d'Orient ni d'Occident, et en même temps il est à la fois d'Orient et d'Occident. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est commun à tous les soufis, qu'ils soient ivres ou sobres, voilà, on dit le soufisme de la sobriété, c'est l'idée que finalement le but de tout travail spirituel et de tout élan, c'est de s'unifier à l'un par-delà les formes de l'immanence. Et s'il y a quelque chose que ces grands mystiques de l'amour ont fait, c'est de vouloir concilier la possibilité métaphysique d'une expérience du transcendant dans l'immanent et de la nécessité de l'immanence pour accéder à la transcendance. Et pour cela, ils ont eu besoin, en effet, de sortir de la lettre apparente, en tout cas, du texte coranique, qui évidemment proclame une forme de transcendance absolue du divin, et l'idée qu'on ne peut comparer Dieu à rien d'autre. C'est ça, concrètement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et moi-même. Oui, non seulement il n'y a pas d'intermédiaire, mais en plus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire Dieu en termes anthropomorphes. Par exemple, pour un musulman, la chapelle Sixtine, c'est un truc super bizarre. Je veux dire qu'on représente Dieu comme un vieillard en train de donner la vie à... C'est-à-dire Dieu est lumière, Dieu est pure abstraction pour un musulman, disons, qui n'a pas encore été initié aux arcanes de l'amour mystique. C'est dans cette tradition de l'amour que d'un coup on va se mettre à parler du divin en termes d'aimer. Et que d'un coup, cet être divin va se manifester dans un visage. Soit un visage imaginal, soit un visage réel de ce monde, de femme ou d'homme d'ailleurs. Et que d'un coup on va dire qu'il est beau. On va donner des métaphores, il va avoir une taille élancée, il va avoir un grain de beauté. C'est une image qui n'est pas une représentation, parce que c'est très important. Exactement. On a l'interdit de représenter Dieu et déjoué par le mode de représentation qui est celui de l'imagination ou de la lumière. Exactement, de la métaphore. C'est-à-dire que la métaphore, et là, je pense qu'un auteur qui m'a beaucoup aidé à comprendre ça, c'est Paul Ricoeur et sa métaphore vive, qui montre bien que la métaphore a un statut d'image qui affirme une présence visuelle, tout en disant que l'essence est quand même toujours et absolument absente. Et que seule la métaphore peut rendre compte de quelque chose, d'infime, mais quand même de quelque chose, de cette essence qui échappe infiniment. Et vraiment, c'est l'enjeu de la mystique persane qui s'exprime en poésie parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce qu'il n'y a pas d'autre langage que la poésie pour dire précisément cette conjonction de transcendance et d'immanence, cette indicible qu'est le divin, autrement que dans des métaphores, puisque Dieu est l'invisible qui ne peut se voir autrement que dans les formes de beauté qui sont dans le monde. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais... Si, si, c'est très clair, et on comprend du coup que la métaphore est investie en lieu et place de la raison, comme étant le lieu de l'universel. Exactement. C'est et ce que ce poème disait, je ne suis pas ceci, je ne suis ni chrétien, ni juif, ni musulman, ni hindou, ni chinois. C'est presque ce qu'on appellerait en Occident de la théologie négative, hein, essayer oui. de définir quelque chose en disant ce que cette chose n'est pas. Oui. Et on en arrive à une définition qui en fait transcende toutes les frontières, et c'est d'autant plus troublant quand on sait que ce texte a été écrit en pleine invasion mongole à l'époque. Absolument, au XIIIe siècle, c'est-à-dire que Rumi, il est né en 1207, il est mort en 1273, et donc il a vu tomber le califat sous les coups des Mongols en 1257, je crois, ou enfin dans ces eaux-là. Mmh. Et donc, il vit dans un monde où d'ailleurs l'islam est radicalement menacé par cette invasion mongole. Et il en parle d'ailleurs parfois, mais très très très rarement, comme si le contexte politique finalement ne comptait pas. Comment le monde est saisi de violence n'empêche pas Rumi de penser l'amour et de le penser comme une manière peut-être, je vais peut-être un peu aller loin, mais peut-être de sauver l'islam de lui-même. Parce qu'au XIIIe siècle, bien sûr que l'islam est très menacé, le califat tombe, et que les musulmans sont pourchassés, au fond, par les Mongols. Et en même temps, l'islam était arrivé à une impasse, je pense, théologique. Je vais pas trop développer là-dessus, mais c'est pas très prudent. Mais enfin... Mais c'est passionnant. Voilà. Mais je pense vraiment que l'islam était arrivé à un point de rigidification, déjà, au XIIIe siècle, que ces mystiques ont ressenti de manière presque douloureuse, puisque eux-mêmes sont... profondément nourris et abreuvés du texte coranique. Mais ils comprennent que la manière dont la politique, dont la théologie s'est saisie de ce texte a emmené l'islam vers une dérive qui est absolument à l'opposé de ce que dit le texte coranique, en tout cas à ces oreilles-là. Car il ne faut pas oublier que Rumi, il est peut-être ni d'Orient ni d'Occident, il est ni chrétien, ni juif, ni musulman, ni etc. Mais il est profondément inspiré par cette métaphysique de lumière que propose le Coran, et dans lequel il y a, pour qui sait bien lire, en filigrane, déjà en germe, la philosophie de l'amour. Mais il y a pourtant toute une partie de la culture de ce pays, même à cette époque en Iran, qui ne se réduit pas à l'islam. Les musulmans n'ont pas toujours été là. Ah non, loin de là. Ils sont arrivés, cela dit, ils sont arrivés assez tôt. Hein. Ils sont arrivés au 7e siècle et le pays était converti déjà au 8e siècle. Il y a eu siècle, beaucoup de résistance aussi. Beaucoup de dans les montagnes, on en parlait hier avec Sora Vardi, Moula Sadra, justement, ces lieux de dissidence intellectuelle et religieuse qui ne voulaient pas céder. Oui, il y a eu des lieux, mais je vous signale quand même qu'il y a aussi eu des poches de résistantes qui se voulaient tenants de l'islam vrai. Les Alamout, etc., c'est pas des non-musulmans. Les Ismaéliens qui ont résisté fortement, ce sont des musulmans qui plus est chiites, sauf que ce sont des chiites ismaéliens. Mais il y a eu des poches de résistance zoroastrienne ou assimilées, si je puis dire, parce que Zoroastre, c'est déjà une réforme d'une ancienne religion qui est le mazdéisme, qui a donné d'ailleurs beaucoup des thèmes du vin, de la lumière, oui. Etc., du sacrifice à la culture persane, mais je suis quand même très étonnée de voir à quelle vitesse l'islam a pris en territoire persanophone, même si, je le dis et je le répète, évidemment il y a eu la résistance, mais finalement assez peu et assez tôt, les Iraniens ont adopté cette religion. J'ai une explication sociologique, mmh. Je pense qu'une des raisons, c'est que la société zoroastrienne est une société de caste, qui n'autorise en aucun cas le passage d'une caste à l'autre. Il ne faut jamais oublier, il ne faut pas romantiser comme le font parfois les Iraniens, la religion zoroastrienne. La religion zoroastrienne est pleine de règles c'est et de lois. C'est celle de Zarathoustra, hein, quand même, qu'on connaît par Nietzsche aujourd'hui. Absolument, mais sauf que Zarathoustra lui-même était un extraordinaire mystique. Mais comme dans pour toutes les autres religions, ses héritiers institutionnels faisait peser sur le peuple un joug terrible. C'est quand même eux qui ont massacré tous les manichéens parce qu'ils n'étaient pas dans la droite ligne de zoroastrisme de l'époque. Ce sont quand même les prêtres zoroastriens, c'était quand même une drôle d'engeance. Et la société de caste était en Iran vraiment une source d'oppression majeure. Et je suppose que l'islam a apporté une idée que au fond, tout le monde peut se convertir à l'islam. Et c'est vrai que dans le monde musulman, c'est le seul, à ma connaissance, la seule grande civilisation où des esclaves sont devenus rois. C'est pas si courant. On va retrouver Rumi. On l'a laissé, oui. On en a très peu parlé finalement. Alors vous allez nous raconter Rumi à partir de ce texte, les sciences du cœur. Hein, Rumi qui va inviter son lecteur, alors pour le coup, à s'oublier complètement dans l'amour. Il n'y a que l'amour qui compte, il faut s'y adonner entièrement, corps et âme, sans limite. Sauf que dans ce texte, le divan de Shams, l'amour en question n'est pas l'amour pour une jeune femme dont il souhaiterait tout le bien et qu'il souhaiterait surtout embrasser et toucher, mais pour un homme qu'il ne souhaite pas forcément toucher d'ailleurs, mais pour lequel il éprouve un amour certain, qui s'appelle Shams. Vous allez nous dire qui c'est dans un instant. D'abord, écoutez ce texte. Nous brûlerons la mélancolie et la démence et boirons à chaque instant la vague de sang. Nous sommes les rivaux des buveurs d'enfer ivres, ceux qui déchirent la voûte azurée. Que fera-t-il, ce soleil éternel du firmament et de ses deux bougies renversées? Nous trancherons la main du chagrin, ce voleur qui a volé la raison à centaines de misérables. Nous verserons du vin pur et royal et nous endormirons la raison si savante. Lorsqu'elle sera ivre, nous lui donnerons le fouet, car elle a exagéré en hypocrisie et sortilège. Bien que rusée et manipulatrice en tout, que sait-elle des ruses, des vicissitudes du temps? Nous lui ferons perdre conscience, la rendrons ivre à tel point que lorsqu'elle reviendra à elle, elle ne saura plus le chemin du pourquoi. Mieux vaut que soit anéanti un tel maître et un tel savant afin de servir de leçon à tous les ignorants. Elle deviendra savante une fois morte en amour, alors sera savante en science du cœur. Alors, dans la maison du cœur, elle verra le pilier de ce monde sans pilier, car s'il erre le monde, c'est à cause de nos têtes. Pour un instant, laisse ta tête de côté, mon frère, ne serait-ce que faire un essai pour un moment. Dompte par amour du roi ce chien qui étient, ce cheval rétif. Considère comme l'enfer la conscience du monde. Nous brûlerons la mélancolie et la démence et boirons à chaque instant la vague de sang. Considère comme l'enfer la conscience du monde. Quel texte, Lélie Anvar, et puis quelle violence quand même. Quel texte et quelle violence, absolument, qui est toute roumienne, je dirais, parce que son amour est radical. Il est absolument radical. Et que ce texte dit aussi quelque chose de sa propre expérience. Vous m'avez demandé tout à l'heure de vous dire qui était Shams. En réalité, c'est ce que Shams a fait avec lui. Évidemment qu'il ne s'agit pas de faire ça à l'extérieur de soi, mais qu'il s'agit de faire cette expérience intérieure d'une sorte de décapitation de sa propre raison dans l'expérience de l'amour. Et il faut dire que Rumi, avant sa rencontre avec Shams de Tabriz, donc littéralement le soleil de Tabriz, ce prénom on peut dire soleil. Shams. Voilà, d'où la métaphore obsédante du soleil dans l'œuvre de Rumi. Donc, Rumi est un théologien, un soufi, ascète, très sobre, du côté de la sobriété, qui avait à peu près 37 ans lorsque Shams s'est révélé à lui, d'une certaine façon. Et quand il a vu dans Shams ce qu'on peut appeler une théophanie, et là aussi c'est un petit peu contraire à ce que d'habitude les musulmans peuvent entendre, mais Rumi a vraiment vu dans Shams une forme d'incarnation du divin. C'est-à-dire vraiment la lumière de Dieu manifestée dans un corps. Et c'est cela qu'il a aimé. C'est-à-dire c'est cela qu'il a reconnu, c'est cela qu'il a contemplé, c'est cela qu'il a aimé. Et de ce coup de foudre radical que lui fait subir Shams, il tire, en fait, il, à partir de ce coup de foudre, il a des expériences dans lesquelles il se voit décapité de sa propre raison. Cette raison théologique qui lui faisait croire qu'il était un grand savant. Cette raison même de soufi qui lui faisait croire qu'il était un grand ascétique. Et donc, quelqu'un de très pur et de très avancé sur la voie. Et au fond, quand il dit que nous allons couper les mains de la raison, ça veut dire, justement, que la raison est une faculté en nous qui nous vole notre capacité de comprendre le réel tel qu'il doit être compris. Et on revient au début de notre conversation. Et ce texte est une sorte... Et comment... Quel meilleur traité d'antiphilosophique que ce poème, avec ses images, comme vous dites, absolument saisissantes. Et ce que nous dit en même temps ce texte, c'est que cet arrachement à nos croyances rationnelles est une violence. C'est une violence que nous devons nous faire au nom de l'amour. Parce que le jeu en vaut la chandelle, parce qu'au bout de cet arrachement de nos attachements à notre petite raison qui veut toujours tout contrôler, tout expliquer, se trouve l'expérience qui est véritablement une expérience du sans-pourquoi, du non-lieu, du non-temps, de l'infini, et qui est donc l'expérience de l'amour. Donc il a aimé Shams infiniment, je crois, vraiment là je pèse mes mots, c'est pas juste un adverbe parmi d'autres, mais parce qu'il a vu en Shams une manifestation dans l'immanence de la lumière de Dieu. Mais où est l'amour dans ce texte? J'entends de la passion, de l'admiration, de l'ivresse, de l'amour. Alors, ce texte-là, je voulais proposer parce que c'est une anti-raison. Il y a d'autres textes de Rumi qui sont au contraire dans ce que nous appelons amour. Non, mais c'est intéressant, peut-être que l'amour tel que Rumi l'entend est très différent de ce que nous entendons par l'amour et du sentiment amoureux ou de l'amour chrétien, ou voilà, c'est un autre type d'amour. Complètement. C'est vraiment un autre type d'amour, c'est-à-dire que c'est un amour qui permet, peut-être que c'est ça la clé, qui est la seule force qui permet de sortir de soi. Or, le but du soufisme, c'est d'anéantir l'ego. D'ailleurs, c'est l'histoire des oiseaux. Les oiseaux, quand à la fin ils arrivent, ils doivent anéantir leur ego pour pouvoir entrer dans la fusion avec la Simor, qui est donc la souveraine majesté dans laquelle ils veulent accéder, qui est en fait une figure de la lumière divine. Et donc, l'amour a une fonction, c'est pas un but. La fonction de l'amour, c'est que c'est la seule chose qui nous permet de sortir de nous-mêmes, de faire l'expérience de l'altérité et de renoncer radicalement à soi-même pour entrer dans l'autre, si je puis dire, pour fusionner dans l'autre. Et une fois que cette fusion est faite, alors on accède à la connaissance absolue. Sauf que cette connaissance-là, on n'en revient pas pour en parler. La poésie ne peut nous mener qu'au seuil. D'où la radicalité de ce poème. Absolument, absolument. D'où la radicalité, d'où le fait que ces poèmes nous donnent parfois une impression de quelque chose d'incroyablement violent, de passionnel. D'ailleurs, je vous pose la question de cette violence-là. Si elle n'a pas de limite, si le but est de dissoudre toute forme d'identité, on peut vite verser dans une forme de fanatisme extrêmement violent qui s'en prendrait à l'identité elle-même pour au nom d'une espèce de fusion universelle. Alors oui et non, parce qu'en même temps, vous avez tout à fait raison de poser la question parce qu'elle se pose. Non, parce que ce qu'il s'agit d'arracher, c'est l'ego qui fait écran à la vision de la lumière ou de la vérité, de ce qu'on veut. Alors que, et d'ailleurs dans le Cantique des oiseaux, il y a un passage extrêmement intéressant à la fin dans lequel il explique très bien la nuance. Il dit, en réalité, les oiseaux se sont jetés dans le feu de Simor, ils se sont anéantis. Et puis après des milliers d'années dans cet anéantissement, ils ont mûri. Et ils ont été restitués à l'être. Mais c'est une forme d'être qui est de l'être post-néant. C'est le véritable être, c'est la véritable identité qu'ils ont trouvée. Mais à nouveau, là, le langage humain n'a pas de mots pour en parler. Puisque le langage humain reste au seuil de l'identité. Et finalement, ça reste un langage qui obéit à une grammaire, qui elle-même obéit à une forme de rationalité. D'ailleurs, dans les poèmes de Rumi, parfois, même la syntaxe est bafouée. Parce que la syntaxe normale ne peut pas aller, c'est pour ça que les traités de philosophie ne peuvent pas y aller, encore moins que la poésie, ne peuvent pas aller là, en ce point d'identité pour lequel le mot « je » ne convient pas. Il y a un lieu que les mots ne peuvent atteindre. Exactement. C'est une forme... C'est plus de l'identité, c'est de l'ipséité. Alors on va essayer de trouver des mots pour dire ça, mais en réalité il n'y a pas de mots pour dire ça. Mais ce n'est pas ce n'est pas du néant pur, parce qu'il y a, s'il y a une chose qui est du mal dans cette façon de voir le monde, c'est en fait tout le non-être dans le sens de le néant absolu. Ce qui est le bien absolu, c'est l'être. Et la fonction de la sagesse, ou de tout enseignement spirituel, de toute initiation, c'est de nous faire participer au maximum à l'être. Et donc, de laisser derrière nous tout ce qui est non-être. Mais en fait, ce qui est non-être, c'est aussi notre identité, c'est ce que nous pensons du monde, c'est nos illusions, c'est nos systèmes philosophiques. En réalité, tout ça, c'est du non-être. C'est un anti-humanisme, du coup. Ça dépend ce qu'on appelle humanisme. Ce qui valorise certaines composantes qui sont proprement humaines, non pas simplement animales ou divines, mais qui impliquent non seulement la raison, mais aussi certaines valeurs morales qui permettent de vivre ensemble sans forcément qu'il y ait un égo surdimensionné. Ah mais non, mais ça, l'égo doit être anéanti. Cet égo-là qui amène à faire le mal doit être anéanti, donc au contraire. Mais est-ce que l'homme est estimé en tant que tel, ou est-ce qu'un des moyens quand même pour parvenir à l'état ultime, c'est de dissoudre aussi... peut-être ce que nous sommes en tant qu'hommes. Est-ce qu'il faut fusionner avec le tout, avec l'un? Ou est-ce qu'il faut se réconcilier avec notre nature humaine qui est quand même... Oui, c'est pour ça que je vous ai demandé qu'est-ce que vous entendez par humanisme, parce que je pense qu'ils ne sont pas très loin, par exemple, d'un penseur comme Marcel Fissin, quand ils disent que, au contraire, en fait, ce qui vaut dans l'humain, c'est qu'en fait, l'humain, c'est déjà du divin. L'œuvre, c'est de retrouver à l'intérieur de ce que nous appelons humain, ce qui fait que l'humain est humain, à savoir le fait que l'humain est divinisé. Et donc la grande entreprise, c'est ça qu'on appelle fusion. Quand ils disent fusionner avec l'être divin, ça veut dire justement retrouver ce que l'on est véritablement. Et ce qui fait que l'humain est humain, et donc radicalement différent des autres créatures, c'est que l'humain est divin. Et à ce titre, il a une responsabilité majeure. Et au contraire, ils ont une éthique extrêmement sévère. Puisque tout ce que l'on fait qui est contraire à l'humanité de l'autre, c'est aussi une façon de s'éloigner du divin en moi-même. Donc il y a une éthique qui est commandée en fait par le divin. Absolument, qui est commandée par le fait que chaque être humain a l'étincelle divine, à ce titre donc mérite d'être respecté de manière, même s'il a commis le mal d'ailleurs, aucun être humain n'est un monstre, puisque tous les êtres humains sont porteurs de l'étincelle divine. Et en même temps, le travail personnel, c'est de faire que cette étincelle grandisse tellement qu'il ne reste plus que cela, y compris de soi-même. Ce qui reste de soi-même, c'est jamais que notre propre lumière. On va se quitter avec une histoire d'amour, avec un extrait du Masnavi, qui est un recueil de contes soufis allégoriques dédié à l'amour. Alors cette fois-ci, Rumi revisite la légende de Layli et Majnoun, deux amoureux passionnés dont l'un fait souffrir l'autre par son absence. Écoutez. Éloigné de Layli, Majnoun souffrait tellement que son corps brusquement tomba malade. Tout son sang bouillonnait dans le feu du désir. Ainsi, ce pauvre fou en eut une diphtérie. Un médecin vint le voir pour trouver un remède, et il lui prescrivit aussitôt une saignée. Mais en voyant cela, l'amoureux s'écria « Prends tes gages et va-t'en, cesse cette saignée !» Et si je meurs, qu'importe, que la tombe me prenne. Mais de quoi as-tu peur ? Lui répondit l'expert. Toi qui ne crains pas même le lion dans les grands bois. Et Majnoun répondit. Je ne crains pas ta lame. J'ai plus de résistance que le roc des montagnes. Comme amant, je recueille en mon sein les souffrances. Je suis indifférent et toujours en errance. Et il faut à mon corps les coups et les blessures. Mais voilà, de Layli, tout mon être est rempli. Ma coquille recèle les beautés de cette perle. Et j'ai peur, ô Seigneur, qu'en faisant ta saignée, tu ne viennes à blesser Layli avec ta lame. La raison, celle qui sait et illumine le cœur, sait bien qu'entre elle et moi, il n'est pas de distance. Layli Anvar, vous êtes nommée d'après cette Layli amoureuse de Majnoun. Eh oui, c'est un prénom très prisé des amoureux de la poésie. Layli et Majnoun, c'est quoi? C'est comme Héloïse et Abélard? Exact. C'est un couple mythique? Oui, oui, absolument. C'est un couple mythique qui, d'ailleurs, a des origines. Son origine est arabe. L'origine, c'est en fait un poète du 1er siècle de l'islam, donc du 7e siècle, qui aurait dit des poèmes pour cette bien-aimée qu'en arabe on appelle Leïla, qui est devenue Leïli en persan. Et ce Majnoun, dont le nom signifie le fou, en fait en arabe on dit Majnoun Leïla, ça veut dire celui qui est fou d'amour pour Leïla. Mais il a aussi la spécificité qu'il était poète. Et il a dit la beauté de Leïla, ou de Leïli, dans ses poèmes. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il l'a perdue à jamais, parce qu'on ne parle pas de la beauté de l'aimer dans des poèmes, au risque de la dévoiler. Donc, il faut que les poètes fassent très attention, quand ils parlent d'amour, de la beauté de l'aimer, à en parler de telle sorte qu'en même temps ils en disent quelque chose et qu'en même temps ils voilent, pour éviter de la dénuder trop devant les autres. Et l'enjeu est vraiment là, donc c'est bien de terminer sur Majnoun, parce que Majnoun c'est à la fois l'amant par excellence et le poète par excellence. Et qu'est-ce que fait le poète si ce n'est sans cesse essayer de nous éveiller à la beauté de l'aimer et de nous en rendre amoureux. Et puis on retrouve comme une forme de réconciliation avec la raison, puisque dans les derniers vers, il est écrit « La raison, celle qui sait et illumine le cœur, sait bien qu'entre elle et moi, il n'est pas de distance. » Absolument, et vous avez raison de le souligner, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure à propos de l'autre poème, c'est que chez, par exemple chez Rumi, mais chez tous les grands mystiques de l'amour, il y a une raison qui est au-delà de la raison ratiocinante. Et cette raison-là, c'est quand même l'organe par lequel on peut comprendre la vérité. Et cette raison-là, c'est celle qui permet d'éclairer l'expérience amoureuse, de la rendre intelligible et donc d'accéder in fine à la vérité. Eh bien, merci d'en avoir fait preuve aujourd'hui, Layli Anvar, de cette raison et de cet amour. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage sur Rumi, La religion de l'amour, qu'on trouve aux éditions Entrelacs. مرا پرسین که چونی بین که چونم خرابم بی خودم مست Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, l'heure comme tous les jours de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et aujourd'hui, à tous. Aujourd'hui, vous avez une question à poser à nos auditeurs. Oui, les philosophes ont-ils du goût? J'entends par là le sens premier du goût. Vous savez, le fait de goûter, le fait même de déguster et de savourer. Car oui, les philosophes sont bien capables d'en discuter, d'en délibérer, de théoriser le goût. Ils sont bien capables de parler du jugement de goût, des normes du goût, des critères du goût, autrement dit du goût esthétique. Mais ont-ils pour autant du goût? Eux ont-ils le sens du goût, celui qui suggère la saveur, le plaisir, la sensation même de jouir d'une bonne chair et le sentiment bien simple mais qui leur paraît souvent bien trivial de l'agréable et de l'agrément? Réponse avec trois ouvrages. Monsieur le professeur, voici l'heure. Le café vient immédiatement. Oui, et l'heure prochaine aussi vient immédiatement. D'ailleurs, ce sera à peu près le temps que j'aurais attendu. Enfin, on peut mourir après tout, ce n'est que mourir. Et dans l'autre monde, on ne boira pas de café. Et par conséquent, on ne l'attendra pas. À écouter Kant, en tout cas le personnage de Kant et la vision qu'en a proposé Philippe Collin dans son film Les Derniers Jours d'Emmanuel Kant, qui rejoint un peu aussi la vision qu'on a du philosophe de la morale austère et rigoureux, on a envie de répondre non, les philosophes n'ont pas le sens du goût. Le café ne se boit que parce qu'il doit se boire à l'heure et pour se réchauffer et pas pour le plaisir. Mais tant qu'à ouvrir le goût à d'autres sens que le pur goût esthétique, autant ouvrir aussi notre vision des philosophes. Ça fait bien longtemps que le corps et l'esprit ne font plus qu'un, intérêt pour la matière, théorie sur le corps, exaltation de l'incarnation, les philosophes se sont mis à table. Et c'est ce que montre très bien Normand Baillargeon dans son beau livre, illustré avec goût et rigueur, comme quoi l'un n'empêche pas l'autre, à la table des philosophes. La cuisine est-elle un art? Peut-on manger des animaux? En quoi manger est-il un choix politique? Les ingrédients sont réunis pour joindre la pensée à l'agréable, mais jusqu'où? Discuter du goût, est-ce vraiment en avoir? Eh bien voilà, j'ai des dettes. Vous, des dettes? Oui, vous savez que je dépense beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et tout le monde sait ça. J'en dépense trop. Jamais trop. Tellement que je me trouve momentanément embarrassée et j'ai pensé à me défaire de ces cœurs en diamant. Vous en savez mieux que quiconque la valeur. D'autant que c'est moi qui les ai vendus à votre mari. Oui, en effet. Ce n'est pas moi qu'il faut regarder, monsieur Rémy. Certes, il n'y a plus d'un côté le corps et de l'autre l'esprit, mais en philosophie, manger, boire, en général, prendre du plaisir, c'est toujours un peu suspect. En cause, l'excès, l'intempérance, la dépense, la débauche. Olivier Assouli, dans une anthologie sur le luxe, a ainsi collecté les grands textes sur la question. Et à la manière de Madame II, qui avoue son goût pour le goût, il y a toujours une culpabilité à en avoir et le risque du trop-plein. Rousseau est le luxe de la vanité et de la mollesse. Jean-Baptiste C est la consommation productive ou encore Peter Sloterdijk et la théologie capitaliste des désirs, ces grands textes révèlent que le goût, eh bien c'est l'ère du soupçon. Mais c'est qu'à discuter ou à culpabiliser, on se situe toujours à côté du goût comme fait même de goûter, on y voit toujours autre chose que le goût, le rang social, le désir vain et le jeu des intérêts. Les philosophes en parlent certes, mais ils ont un problème avec le goût, ils en font un problème moral, politique, artistique. Pourquoi ne pas le voir dans son mécanisme même, dans sa beauté, dans toute son épaisseur et sa saveur. Revenu présumé, 15 000 francs. Aisance. Un filet de bœuf à cœur rose piqué et cuit dans son jus. Un quartier de chevreuil sauce hachée au cornichon. Un turbo naturel. Un gigot de prés salé à la provençale. Un dindon truffé. Des petits pois en primeur. Expression. Ah, mon ami, quelle aimable apparition. Il y a vraiment nopes et festins. Pour que cette phrase soit convenablement articulée, il faut faire sentir le P. On pourrait écouter et lire pendant des heures du Brillat Savarin, s'en délecter même avec sa physiologie du goût qui est reparée. On revient au fait même de goûter. Le goût se sent, ça se mange et ça se boit. C'est peut-être parce qu'il n'était pas philosophe et pourtant un plat est aussi bon, la description d'une omelette, les effets d'une boisson, qu'une belle problématique de philosophie sous sa plume. En témoigne cet extrait d'Éprouvette gastronomique, soit un mets parfait dont la seule évocation doit suffire à émoustiller, je cite, les puissances dégustatrices. De quoi révéler que l'idée se goûte elle aussi. Merci Géraldine. Il y a quand même un philosophe qui a le goût du goût et qui y consacre un traité et des passes délicieuses, c'est David Hume. Les normes du goût, effectivement. Traité sur les normes du goût, exactement. Alors rappelez-nous les livres que vous nous conseillez de lire. Alors, Physiologie du goût de Brillat Savarin, c'est en chant classique Flammarion. Les grands textes du luxe, c'est commenté par Olivier Assouli, c'est aux éditions du Regard et IFM. Et puis, à la table des philosophes de Normand Baillargeon, c'est aux éditions Gallimard. Merci, j'y rajouterai Les derniers jours d'Emmanuel Kant, le livre, d'où est tiré le film de Thomas de Quincey. Un grand merci à David Pargamin pour la préparation de cette émission et de cette série d'émissions sur l'Iran, ainsi que Claire Perryman-Holt, Marianne Chassor, Louis Servet, Géraldine Mostasavoy, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Clément Daté qui est à la prise de son aujourd'hui accompagné de l'humeur de Jean Frédérics. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur l'Iran. Demain, nous parlerons de la révolution iranienne quand la religion reprend le pouvoir en compagnie de Mohsen Motahri. D'ici là, pour écouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Vous y trouverez également les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et puis rendez-vous aussi sur Facebook et Twitter où l'équipe des Chemins de la Philosophie met en ligne quotidiennement l'émission du jour et attend vos remarques et commentaires. Mais pour l'heure, il est 11h. Restez à l'écoute sur France Culture.